Kanyangi. Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Trois cadres de la présidence de la République du Burundi limogés ce jeudi pour trahison de la plus haute autorité, selon un décret de ce jeudi 9 janvier. Dans cette édition, on revient sur la réforme de l'éducation fondamentale. Des syndicats de l'enseignement craignent la baisse de la qualité de l'enseignement et au ministère de l'Éducation l'ont dit se référer au contexte du moment. Des habitants du quartier 6 de la zone urbaine d'Ongagara inquiétés par des eaux usées des ménages se déversant dans la rue, une situation qui ne fait que durer, déplore-t-ils. On terminera cette édition par cette surabondance des produits Braroudi à Ouvira, en République démocratique du Congo, alors qu'ils sont introuvables et chers à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Les détails, c'est dans cette édition, mise en onde par Eric Ouimana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois, page gouvernance. Pour débuter cette édition, trois cadres du bureau chargé des affaires juridiques et de gouvernance à la République du Burundi à la présidence de la République du Burundi ont été destitués de leurs fonctions par le président de la République du Burundi pour avoir libéré des prisonniers qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Dans un décret présidentiel de ce jeudi, le président Évariste Ndayishimiye indique que ces dignitaires ont libéré certains prisonniers poursuivis pour des cas de viol et d'assassinat dans les prisons de Wururi et Rutana, alors que cette catégorie est exclue des bénéficiaires de cette grâce. À ce décret présidentiel précise en outre que ce comportement constitue une trahison et ternit l'image de la plus haute autorité. Ces cadres destitués sont Jean-Baptiste Baribonekeza, chef de bureau chargé des affaires juridiques et de gouvernance, Cyril Sivomana, chef du département de veille juridique et élaboration des textes légaux, et Arkade Harerimana, conseiller technique chargé du suivi du contentieux de l'État. Et des habitants de la colline Gasegni, dont les 160 hectares des alentours du palais présidentiel, saluent la mesure du président de la République de délimiter cet espace afin de trancher sur la nouvelle répartition des 160 hectares. C'était lors d'une réunion ce jeudi avec les ministères en charge de l'environnement, des infrastructures et l'administration. Ces autorités ont promis de mettre en application l'orientation donnée par le chef de l'État dans un délai d'un mois et ses habitants demandent que ce délai soit respecté. Un reportage signé Onela Mucho. Hagiyemo mwete wanyu mwebwe bushikiranganje bubiri butatu mbere hagiyemo zifise ubuntu lors de cette réunion d'échange entre les propriétaires des parcelles des 160 hectares et les ministères des infrastructures, de l'environnement et de l'intérieur sur la délimitation des 160 hectares du site Gasegni se trouvant aux alentours du palais présidentiel, les habitants de cette localité ont insisté à ce que cette délimitation soit faite dans les meilleurs délais et en toute transparence. Demande que la commission chargée de faire l'inventaire des parcelles soit crédible et représentée par tous les concernés. Égide Ninjumbele, secrétaire permanent au sein du ministère en charge des infrastructures, assure que tout sera établi après avoir identifié dans un délai d'un mois. L'essentiel de communication des conclusions était que la population doit attendre à construire un achèvement et aussi permettre aux commissions qui sont mises en place pour délimiter exactement l'orientation nouvelle du domaine présidentiel et aussi étudier des modalités pratiques pour mettre en application l'urbanisation d'une façon moderne du côté du domaine qui ne sera pas concerné par le domaine présidentiel. Exactement, nous sommes d'accord avec la population. C'est la raison pour laquelle la population elle-même a pu choisir une commission crédible auprès des représentants. C'est une commission qui sera mise en commun accord avec nos équipes techniques. Tout ce qui va être fait sera fait d'une façon transparente. Gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, appelle la population de ne pas vendre ou acheter ses parcelles avant leur délimitation. Et aujourd'hui alors, nous demandons à la population de rester calme après avoir entendu que le ministère en charge donne le programme de terminer ce travail dans 2 semaines. Et nous espérons qu'après ces 2 semaines, on saura réellement le ressort de chaque espace pour que la population puisse s'en servir comme il le veut. Le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Environnement a souligné qu'une commission représentée par différents ministères, entre autres des infrastructures, de l'environnement, de l'intérieur et de la justice, doivent collaborer pour statuer sur ce cas. On est là, mucho. Poursuivons cette édition. La réforme de l'éducation fondamentale de la première année à la 9e fondamentale se réfère au contexte du moment. Précision du directeur général des curricula et des innovations pédagogiques dans une interview accordée à la radio Isanganiro. André Ndouimana ajoute notamment que cette réforme est conçue de manière à permettre aux enfants d'acquérir des compétences voulues par le pays, notamment en matière d'éducation. Technologie de l'information et de la communication, suivez ces précisions. En éducation, il y a ce que l'on apprécie dans les anciens programmes qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Quelles sont les motivations de la réforme? Les motivations de la réforme, c'est l'allure politique. Parce que la réforme, c'est un acte politique. On entre dans les AC. Nous devons apprendre 4 langues. Nous avons la vision qui fait qu'on doit étudier pour chaque fois penser à ce que nous pouvons faire, non pas à l'État-providence. Nous devons préparer nos enfants en conséquence. Nous sommes dans une ère où les TIC avancent plus vite. Il faut préparer les enfants à utiliser les TIC. Vous pouvez le voir même ici, dans la capitale, en enfant, les enfants maîtrisent mieux le téléphone que les parents. Ça veut dire qu'on n'arrête pas les événements. Il faut, au niveau du temps, il faut aller avec le temps. Bien sûr, en allant avec le temps, il y a sur quoi on s'accroche, mais il y a aussi ce que l'on perd. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Il y a, par exemple, le goût de la lecture qui n'est plus là. Les enfants qui n'écrivent plus. Les adultes qui n'écrivent plus. On peut faire un débat, mais les motivations de la réforme, c'est le contexte essentiellement. Le contexte national, il y a aussi le contexte international. André Ndouimana, directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère burundais de l'Éducation. La qualité de l'enseignement risque de baisser suite à cette réforme du système éducatif qui a commencé au 4e cycle et puis le 1er cycle de l'école fondamentale. Inquiétude soulevée par le vice-président de la coalition des syndicats de l'enseignement pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels, COSESONA. Suivez Emmanuel Machandari. On a commencé par la 7e au lieu de commencer par la 1ère année. Or, si vous commencez par la 7e, au lieu de commencer par la 1ère année, il risque d'y avoir une certaine déconnexion au niveau des programmes. Deuxièmement, la réforme a été opérée par 2 institutions. Il y avait pour l'école fondamentale de la 7e à la 9e, ça a été fait par l'ancien BR, Bureau d'éducation rurale, et pour le poste fondamental, ça a été fait par le BPS. Maintenant, après le poste fondamental, on arrive à l'école primaire, ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 premiers cycles. Ça a commencé par la 1ère année. Aujourd'hui, on est au niveau de la 5e année. Nos inquiétudes restent toujours parce que bientôt, quand on va arriver en 6e, est-ce qu'il y a un lien de continuité entre les 2 programmes qui est là? Nous gardons toujours nos doutes. Au niveau des programmes, on a minimisé la langue d'enseignement qui est le français. On constate que le volume horaire du cours de français a fortement diminué. Dans le poste fondamental, là, c'est catastrophique. On n'a qu'une heure par semaine pour les langues. Imaginez-vous alors un enfant qui doit apprendre la chimie, la physique, les mathématiques et tout console dans la langue française, alors qu'il n'a eu que 2 ou 3 heures d'apprentissage de cette langue. C'est pourquoi nous constatons que la matière que nous dispensons est mal comprise par nos apprenants parce que nous ne comprenons pas la langue de transmission de cette matière. Ça, c'est un grand problème. Deuxième problème, on a regroupé certains cours dans ce qu'on a appelé les domaines. Ici, je donnerai l'exemple du cours qu'on appelle sciences et technologies, qui regroupe la chimie, la physique, la biologie, les sciences et technologies. Ces cours-là sont dispensés par des gens qui ne sont pas qualifiés dans toutes ces matières. Vous comprenez très bien que l'enseignant qui est contraint d'enseigner une matière qui n'a pas fait l'objet de sa qualification, il va accorder plus d'importance à la matière qu'il maîtrise, et pour les autres, il va faire semblant d'enseigner pour montrer à l'autorité que la matière a été dispensée, alors que l'enfant n'a pas bien appris la matière qu'il devait apprendre. Emmanuel Machandali recommande donc que les cadres chargés de cette réforme soient formés, mais aussi les enseignants. Suivez-le encore une fois. Nous avons été associés depuis longtemps. On nous invitait dans des ateliers de validation de ces programmes et nous avons émis beaucoup d'inquiétudes face à ce qui se passait sur le terrain. 1. Les gens qui ont pris cette réforme n'ont pas subi une formation de préparation. Pour la prochaine occasion, c'est une réforme qui est envisagée. Il faut d'abord former les gens qui vont faire ces réformes. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, il faut préparer les gens qui vont mettre en application ces réformes. Donc, je veux dire ici les enseignants. Il faut que les enseignants soient formés en la matière pour qu'ils transmettent une matière qu'ils maîtrisent. Il faut disponibiliser le matériel pédagogique pour que les enfants aient l'occasion de fréquenter les laboratoires, de fréquenter les bibliothèques pour se documenter. Là, on a parlé de l'enseignement général, mais on a oublié l'enseignement technique. Dans l'enseignement technique, si vous n'avez pas de matériel, ne croyez pas que vous êtes en train d'étudier. C'est un passe-temps. Or, nous avons beaucoup d'écoles qui ont été équipées, mais qui n'ont pas d'enseignants capables de manipuler ce matériel. Il faut qu'il y ait une formation préparatoire pour que la réforme puisse atteindre son objectif. Poursuivons avec cette édition, avec cette page hygiène. Les habitants du quartier 6 de la zone urbaine de Ngagara disent être préoccupés par des regards bouchés, déversant ainsi des déchets aux alentours de leur maison d'habitation et dans la rue. Ils ont peur des maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène et demandent aux services habilités de se pencher sur cette situation qui ne fait que durer. Les détails avec Clovis Niumuru. Lorsqu'on arrive tout près de son regard, l'on est accueilli par une odeur nauséabonde. Les habitants de cette localité disent craindre attraper des maladies liées aux mauvaises conditions hygiéniques. Ils ajoutent qu'ils ne comprennent pas pourquoi 4 mois passent sans que son regard soit débouché. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a presque 5 mois, son regard nous fait peur. Ils ont essayé de résoudre le problème, mais en vain. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas quand ce problème sera résolu. Nous demandons aux autorités habilitées de se pencher sur cette problématique. Comme impact négatif, ce regard peut causer des maladies comme choléra, dysenterie et bien d'autres. Cependant, les regards situés au quartier 4 de la dite zone qui étaient dans le même état que ce dernier ont été débouchés il y a plus de 2 mois, ce qui est apprécié par les habitants environnants. Nous avons salué les travaux de débouchement des regards effectués par le Bouha. Vraiment, ils ont bien fait. Nous leur demandons de continuer cette initiative de déboucher d'autres regards se trouvant dans les différentes localités de la dite zone. Selon les informations recueillies sur place, un ménage a déjà déménagé suite à cette problématique. Clovis Nyong, nous parlons télécommunications à présent. Le montant qui entre dans les caisses de l'État en provenance des télécommunications n'est pas bien connu au sein du ministère. Ayant les télécommunications dans ses attributions, une réponse du ministre Léocadine Dacha-Issaba chargé des télécommunications et technologies de l'information. C'était ce mercredi à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du protocole de la communauté de l'Afrique de l'Est sur les réseaux de technologies de l'information et communication. Le ministre Léocadie Dacha-Issaba a expliqué que le manque de données a été dû au retard dans l'application de la nouvelle loi des finances sur le paiement des taxes des sociétés des télécommunications. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Ce sont les questions des députés adressées au ministre ministre des Télécommunications, Leocadie Ndachaïsaba. Certains députés ont voulu savoir la situation sur l'argent qui entre dans la caisse de l'État provenant des télécommunications. Je voudrais avoir la lumière à propos de l'argent qui entre dans la caisse de l'État en provenance des télécommunications. Quel sera l'apport de cette loi au moment où ce secteur fait entrer beaucoup d'argent? Leocadie Ndachaïsaba a répondu qu'elle n'a pas de données sur place, mais qu'à tout moment, le ministère peut les envoyer au Parlement. J'ai pas de données sur moi, mais on peut les envoyer à tout moment. Depuis la période passée jusqu'à maintenant, nous espérons qu'il y a eu changement, parce que la nouvelle loi des finances de cette époque sur le paiement des impôts n'était pas encore mise en place, mais après avoir échangé avec les concernés dans le secteur de communication, à savoir l'ARCT et d'autres opérateurs, se sont convenus sur la hausse des prix pour payer les impôts. Aujourd'hui, ils se conforment à la nouvelle loi et ce qui a changé la situation. Honorable Anatole Carolero a posé une question sur l'avantage de roaming free au moment où les prix d'appel dans notre pays restent trop élevés. Qu'en est-il de l'introduction de roaming free qui annule les frais de réception d'appel? Ici chez nous, les prix sont supérieurs comparativement à ceux de la région. Quel sera l'avantage pour un citoyen qui appelle? À cette question, le ministre des Télécommunications a répondu que depuis qu'il y ait collaboration entre les opérateurs dans le domaine des télécommunications, dans les pays membres de la communauté est-africaine, il y a eu changement à propos des tarifs pour les gens qui appellent étant dans ces pays de la communauté est-africaine. L'avantage sur le Ming, ceux qui voyagent souvent, je pense qu'ils ont constaté qu'il y a eu changement. Avant la mise en place des réseaux ONA, lorsqu'on n'était pas allié aux autres pays. Si tu vas dans ces pays de l'EAC, tu consommais beaucoup pour appeler. Mais après avoir intégré le réseau, ça marche bien car les frais taxés ont été supprimés. C'est-à-dire qu'il y a eu réduction des tarifs dans la communauté est-africaine, dans la communication. Le Burundi va être le quatrième pays qui aura ratifié ce protocole après le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. Quant à la RDC et le Sud-Soudan, étant les derniers à rejoindre la communauté est-africaine, leur processus de ratification du protocole sur les réseaux des TIC sont en cours. Parlons commerce pour clore cette édition. Les boissons produites par la Brahoudi ne connaissent aucune carence en ville d'Uvira, en République démocratique du Congo. Témoignent certains habitants contactés ce mercredi à Uvira, dans la province du Sud Kivu, en propriétaire d'un des pots de vente des produits Brahoudi, affirme que ces produits sont disponibles et que les prix sont restés stables depuis plusieurs mois. Un reportage signé Jérémy Kouhima. Selon M. Emmanuel Bat, gérant d'un dépôt au niveau du quartier Erombe 2, en ville d'Uvira, les boissons Brahoudi de toutes variétés arrivent sans problème et en grande quantité dans des gros camions. Poursuit en disant que des petits marchands qui traversaient auparavant avec des petites quantités ont été anéantis par les grands importateurs avec l'aide des autorités provinciales. Que dire des conditions d'importation? Monsieur Emmanuel répond. Oui, bon, je dirais oui, la boisson de Burundi est disponible à Uvira. Pourquoi? Parce que nous ne sommes vraiment pas en carence par rapport à cela. Par quel canal ces boissons arrivent et qui en sont les importateurs, éléments de réponse? Parce que certains sont des Congolais et je suppose que des Burundais aussi doivent être dessus, mais ils portent des casquettes congolais. Auparavant, on faisait entrer au moins 5-10 camions à la même fois, contrairement de ces jours ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de faire entrer 2-3 pour essayer juste de stabiliser et voir si... Est-ce qu'il arrive que ces boissons deviennent rares en ville d'Uvira? Emmanuel répond par la négative. Nous avons interrogé également les consommateurs des boissons burundaises. Ils donnent leurs avis par rapport au goût et au prix. L'Amstel, non, c'est ce qui conjugue bien avec mon organisme. prix aussi abordable ici chez Chabani parce que c'est à 2500 francs seulement. Vous allez retenir cependant, certains Burundais tentent aujourd'hui de récupérer les boissons par la ville d'Uvira pour les revendre au Burundi. Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Télévision Isanganiro. Merci à Jérémy Kouhima et c'est par ces précisions que je mets en point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.